moi Ben c'est tout ça. Berns, Berns, Berns, son Dirty. Je suis pas un gangster, non, non. Je suis juste un mec de Tchekar. Je raconte ma vie, ce qui se passe dans la rue, là où l'illicite est vendu. Mentalité de blédard, je monte dans le rap par la courte échelle. J'aime trop le peur à mon frère, je peux pas dormir sans vie de sauvret. Le queuse blindé de texte, rien à foutre de ton cornègue. Trois quarts de la vie à la tête, malgré ça, c'est pour mes mecs. Dès que je prends le mal, la crise, tellement fort, tu cicatrices. Et je viens dominer le rap, rien dans les poches, tu sais qu'on maîtrise. Du rap technique, fuck la mode en mode tectonique. Ils ont tous peur du hip-hop, Handek, peut-être qu'il est toxique. Si t'as le number de l'oseille, appelle-le en jazz, 31 jazz. Passe lui salam, tu vois le jazz. Dis-lui bien que je crée jamais graisse. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait kiffer les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait kiffer les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. J'attaquais mes textes comme un pauvre tous les jours au tac au tac. J'rappe pour les frères qui essayent de survivre et taf au black. Ok. Assoiffé du peur à Hessoul, j'me désaltère. J'ai trouvé l'inspi dans la cave et les rimes au sanitaire. T'as le feu au cul sans briquet, trop dur pour toi, j'vais t'indiquer. Sublimé par le bitume, mais j'suis pas ce genre de rappeur broliqué. Vacciné par le son, mon sang fonctionne en BPM. Pour les frères et sœurs qui s'en sortent et qui roulent en BPM. On a tous des torts, le score, j'le fume sans remords. Trop fort, sois pas choqué, c'est parfois mes lyrics deviennent hardcore. J'lui score et j'prends de l'avance. Avis à ceux qui manigancent, déterminé à tout péter le rap français en puissance. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait kiffer les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait kiffer les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. J'attends pas la relève, non. J'suis là pour déranger. Désolé si j'achève, non, j'aime pas à m'excuser. J'écris mes textes sur le PQ car mon humeur est merdique. J'viens déboîter la vie aussi jolie qu'une balle affre d'un flic. Trop lucide pour teaser, tellement vénère que j'viens tout briser. Punchline dans les écouteurs, rien de mieux pour traumatiser. À 12 piges dans le circuit, tu rap en sens interdit. Mais n'en viens pas tester ma clique d'avance, t'as perdu. C'est le son du dirty, c'est le son du dirty. C'est le son du dirty, c'est le son du dirty. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty. Son du dirty dirty. C'est le son des... C'est le son des fêlés, fêlés. C'est le son qui fait les fous et qui fait de l'effet. C'est le son du dirty dirty. C'est le son du dirty dirty.